Cinquième journée, chapitre 5. Et le voyage continua. Le train roula, roula toujours. À Sainte-Maure, on dit les prières de la messe et l'on chanta le credo à Saint-Pierre-des-Corps. Mais les exercices de piété n'étaient plus si goûtés. Le zèle se ralentissait un peu dans la fatigue croissante de ce retour après une si longue exaltation des âmes. Aussi, sœur Hyacinthe comprit-elle qu'une lecture serait une récréation heureuse pour tous ces pauvres gens surmenés, et elle promit qu'elle permettrait à monsieur l'abbé de leur lire la fin de la vie de Bernadette, dont il leur avait déjà à deux reprises conté de si merveilleux épisodes. Mais on attendrait les Aubrais, on aurait près de 2 heures des Aubrais à Étampes, tout le temps nécessaire d'achever l'histoire sans être dérangé. Les stations, alors, se succédèrent de nouveau dans la répétition monotone de ce qu'on avait fait en allant à Lourdes, au travers des mêmes plaines. On recommença le rosaire à Amboise, on dit le premier chapelet, les saints mystères joyeux. Puis, après avoir chanté à Blois le cantique, béni ô tendre mère, on récita à Beaugency le deuxième chapelet, les saints mystères douloureux. Le soleil, dès le matin, s'était voilé d'un fin duvet de nuages. La campagne fuyait très douce et un peu triste dans son continuel mouvement d'éventail. Aux deux bords de la voie, sous la lumière grise, les arbres, les maisons disparaissaient avec une légèreté vague de rêve, tandis que les coteaux, au loin, noyés de brume, s'en allaient plus lents d'un balancement apaisé de houle. Entre Beaugency et les Aubrais, le train parut diminuer sa vitesse, roulant sans fin avec le grondement rythmique entêté des roues que les pèlerins étourdis n'entendaient même plus. Enfin, dès qu'on eut quitté les Aubrais, on se mit à déjeuner dans le wagon. Il était 12h15. Et quand on eut dit l'Angélus, les 3 Ave répétés 3 fois, Pierre tira de la valise de Marie le petit livre dont la couverture bleue était ornée d'une naïve image de Notre-Dame de Lourdes. Sœur Hyacinthe avait tapé dans ses mains pour obtenir le silence. Le prêtre put alors commencer sa lecture de sa belle voix pénétrante au milieu du réveil de tous, de la curiosité de ses grands enfants que ce conte prodigieux passionnait. Maintenant, c'était le séjour à Nevers et c'était la mort de Bernadette. Mais comme il avait fait les 2 premières fois, il cessa vite de s'en tenir au texte du petit livre. Il y mêla des récits charmants, ce qu'il savait, ce qu'il devinait, et pour lui encore s'évoquait l'histoire vraie, l'humaine, la pitoyable, celle que personne n'avait contée et qui lui bouleversait le cœur. Ce fut le 8 juillet 1866 que Bernadette quitta Lourdes. Elle partait pour se cloîtrer, à Nevers, au couvent de Saint-Gildard, la maison mère des sœurs qui desservaient l'hospice, où elle avait appris à lire, où elle vivait depuis 8 ans. Elle avait alors 22 ans. Il y avait 8 ans déjà que la Sainte Vierge lui était apparue. Et ses adieux à la grotte, à la basilique, à toute la ville qu'elle aimait, furent trempés de larmes. Mais elle ne pouvait plus y vivre, dans la persécution continuelle de la curiosité publique, des visites, des hommages, des adorations. Sa santé débile finissait par en souffrir cruellement. Une humilité sincère, un amour timide de l'ombre et du silence, avait fini par lui donner l'ardent désir de disparaître, d'aller cacher au fond de ténèbres ignorées sa gloire retentissante d'élu, que le monde ne voulait pas laisser en paix. Et elle ne rêvait que de simplicité d'esprit, que de vie tranquille, commune, donnée à la prière et aux menues occupations quotidiennes. Ce départ fut ainsi un soulagement pour elle et pour la grotte qu'elle commençait à gêner, avec sa trop grande innocence et ses maux trop lourds. À Nevers, Saint-Gildard aurait dû être un paradis. Elle y trouva de l'air, du soleil, de vastes pièces, un grand jardin planté de beaux arbres. Et elle n'y goûta point cependant la paix, l'oubli total du monde au désert lointain. 20 jours à peine après son arrivée, elle avait pris le saint habit sous le nom de sœur Marie Bernard, ne s'engageant encore que par des vœux partiels. Et quand même, le monde l'avait accompagnée. La persécution de la foule autour d'elle recommença. On la poursuivait jusque dans le cloître, d'un inextinguible besoin de tirer des grâces de sa personne sainte. Ah, la voir, la toucher, se porter bonheur en la contemplant, en frottant à son insu quelques médailles contre sa robe. C'était la crédule passion pour le fétiche, des fidèles se ruant, traquant ce pauvre être devenu bon Dieu, voulant chacun en emporter sa part d'espoir et de divine illusion. Elle en pleurait de lassitude, de révolte impatiente, répétant « Qu'ont-ils donc à me tourmenter ainsi? Qu'ai-je de plus que les autres ?» À la longue, une réelle douleur la prenait à être de la sorte la bête curieuse, ainsi qu'elle avait fini par se nommer, avec un triste sourire de souffrance. Elle se défendait bien le plus qu'elle pouvait, refusant de voir personne. On la défendait aussi, et très étroitement dans certaines circonstances, ne la montrant qu'aux visiteurs autorisés par l'évêque. Les portes du couvent restaient closes, les ecclésiastiques presque seuls forçaient la consigne. Mais c'était trop encore pour son désir de solitude. Elle dut souvent s'entêter, faire renvoyer des prêtres, brisée à l'avance de toujours raconter la même aventure, de subir éternellement les mêmes questions. Elle en était outrée, blessée pour la Sainte Vierge elle-même. Mais parfois elle devait céder. Monseigneur en personne amenait de grands personnages, des dignitaires, des prélats. Et elle se montrait alors de son air grave, elle répondait avec politesse le plus brièvement possible. Elle n'était à l'aise que lorsqu'on la laissait retourner dans son coin d'ombre. Jamais la divinité n'avait pesé davantage à une créature. Un jour, comme on lui demandait si elle n'était pas fière de ces continuelles visites de son évêque, elle répondit doucement « Monseigneur ne vient pas me voir, il vient me faire voir. » Des princes de l'Église, de grands catholiques de combat voulurent la voir, s'attendrirent, sanglotèrent devant elle. Et, dans son horreur d'être en spectacle, dans l'ennui qu'il causait à sa simplicité, elle les quittait sans avoir compris, très lasse et très triste. Cependant, elle s'était fait sa vie à Saint-Gildard. Elle y menait une existence monotone, installée maintenant dans des habitudes qui lui devenaient chères. Elle était si chétive, si fréquemment malade, qu'on l'employait à l'infirmerie. En dehors de quelques soins qu'elle y donnait, elle travaillait, elle avait fini par être une assez habile ouvrière, brodant finement des aubes, des devants d'autel. Mais souvent, toute force venait à lui manquer. Elle ne pouvait même se livrer à ses légers travaux. Lorsqu'elle n'était pas au lit, elle passait de longues journées dans un fauteuil, n'ayant plus que la distraction de dire son rosaire ou de faire de pieuses lectures. Depuis qu'elle savait lire, les livres l'intéressaient, les belles histoires de conversion, les belles légendes où passaient les saints et les saintes, les beaux et effroyables drames aussi, où l'on voyait le diable bafoué, replongé dans son enfer. Seulement, sa grande tendresse, son émerveillement continuel, restait la Bible, ce nouveau testament prodigieux, dont le perpétuel miracle ne la lassait jamais. Elle se souvenait de la Bible de Bartrès, de ce vieux livre jauni, depuis 100 ans dans la famille. Elle revoyait son père nourricier, à chaque veillée, piquer une épingle au hasard, puis commencer la lecture en haut de la page de droite. Et en ce temps-là, elle les connaissait déjà si bien, ces contes admirables, qu'elle aurait pu continuer par cœur, après n'importe quelle phrase. Maintenant qu'elle les lisait elle-même, elle y trouvait une éternelle surprise, un ravissement toujours nouveau. Le récit de la passion surtout la bouleversait, comme un événement extraordinaire et tragique arrivé la veille. Elle sanglotait de pitié. Tout son pauvre corps de souffrance en gardait un frisson pendant des heures. Peut-être, dans ses larmes, Y avait-il l'inconsciente douleur de sa passion à elle, le désolé calvaire qu'elle montait, elle aussi, depuis sa jeunesse? Quand elle ne souffrait pas, qu'elle pouvait s'occuper à l'infirmerie, Bernadette allait, venait, emplissait la maison de sa vive gaieté d'enfant. Jusqu'à sa mort, elle demeura l'innocente, l'enfantine, qui aimait à rire, à sauter, à jouer. Elle était très petite, la plus petite de la communauté, ce qui la faisait toujours traiter un peu en gamine par ses compagnes. Le visage s'allongeait, se creusait, perdait l'éclat de la jeunesse, mais les yeux gardaient leur pure et divine clarté, les beaux yeux de visionnaire, où, comme dans un ciel limpide, passait le vol des rêves. En vieillissant, en souffrant, elle devenait un peu âpre et violente, son caractère se gâtait, inquiet, rude parfois. Et c'était de petites imperfections dont elle avait, après les crises, de mortels remords. Elle s'humiliait, se croyait damnée, demandait pardon à tout le monde. Mais le plus souvent, quelle bonne fille du bon Dieu! Elle était vive, alerte, trouvait des réparties, des réflexions excitant le rire, avait une grâce à elle qui la faisait adorer. Malgré sa grande dévotion, bien qu'elle passât des journées en prière, elle n'affichait pas une religion revêche, sans outrance de zèle pour les autres, tolérante et pitoyable. Aucune sainte fille, en somme, n'était plus femme, avec des traits propres, une personnalité bien nette, charmante dans sa puérilité même. Et ce don de l'enfance qu'elle conservait, cette innocence simple de l'enfant qu'elle était restée, faisait encore que les enfants la chérissaient, en reconnaissant toujours en elle une des leurs. Tous couraient à elle, sautaient sur ses genoux, lui prenaient le cou entre leurs petits bras. Et le jardin retentissait alors de parties folles, de courses, de cris. Et ce n'était pas elle qui courait le moins, qui criait le moins, si heureuse de redevenir une fillette pauvre, ignorée, comme au jour lointain de Bartrès. Plus tard, on raconta qu'une mère avait amené au couvent son enfant paralytique pour que la sainte le touchât et le guérît. Elle sanglota si fort que la supérieure finit par consentir à la tentative. Mais comme Bernadette se révoltait, indignée, quand on lui demandait des miracles, on ne la prévint pas, on l'appela seulement pour porter à l'infirmerie l'enfant malade. Et elle porta l'enfant, et quand elle le posa par terre, l'enfant marcha. Il était guéri. Ah! Que de fois Bartrès et son enfance libre derrière ses agneaux, et les années vécues par les collines, par les grandes herbes, par les bois touffus, durent revivre en elle aux heures où elle rêvait, lasse d'avoir prié pour les pécheurs. Nul ne descendit alors dans son âme, nul ne peut dire si d'involontaires regrets ne firent pas saigner son cœur meurtri. Elle eut, un jour, une parole que ces historiens rapportent, dans le but de rendre sa passion plus touchante. Cloîtrée loin de ses montagnes, clouée sur un lit de douleur, elle s'écriait « Il me semble que j'étais faite pour vivre, pour agir, pour toujours remuer, et le Seigneur me veut immobile. » Quelle parole révélatrice, d'un témoignage terrible, d'une tristesse immense. Pourquoi donc le Seigneur la voulait-il immobile, cette chère créature de gaieté et de grâce? Ne l'aurait-elle pas honorée autant en vivant la vie libre, la vie saine qu'elle était née pour vivre? Et, au lieu de prier pour les pécheurs, sa continuelle et vaine occupation, n'aurait-elle pas travaillé davantage à accroître le bonheur du monde et le sien, si elle avait donné sa part d'amour au mari qui l'attendait, aux enfants qui seraient nés de sa chair? Certains soirs, dit-on, elle, si gaie, si agissante, tombait à un grand accablement. Elle devenait sombre, se repliait sur elle-même, comme anéantie par l'excès de la douleur. Sans doute, le calice finissait par être trop amer. Elle entrait en agonie, à l'idée du continuel renoncement de son existence. À Saint-Gildard, Bernadette songeait-elle souvent à Lourdes? Que savait-elle du triomphe de la grotte, des prodiges qui journellement transformaient cette terre du miracle? La question ne fut jamais résolue nettement. On avait défendu à ses compagnes de l'entretenir de ces choses, on l'entourait d'un absolu et continuel silence. Elle-même n'aimait point à en parler, se taisait sur le passé mystérieux, ne semblait aucunement désireuse de connaître le présent, si triomphal qu'il pût être. Mais pourtant, son cœur n'y volait-il pas en imagination à ce pays enchanté de son enfance, où vivaient les siens, où tous les liens de sa vie s'étaient noués, où elle avait laissé le rêve le plus extraordinaire qu'une créature eût jamais fait? Sûrement, elle refit souvent en pensée le beau voyage de ses souvenirs. Elle dut connaître, en gros, tous les grands événements de Lourdes. Ce qui la terrifiait, c'était de s'y rendre en personne, et elle s'y refusa toujours, sachant bien qu'elle ne pouvait y passer inaperçue, reculant devant les foules dont l'adoration l'y attendait. Quelle gloire s'il y avait eu en elle une volontaire, une ambitieuse, une dominatrice! Elle serait retournée au lieu saint de ses visions, elle y aurait fait des miracles, prêtresse, papesse, d'une infaillibilité, d'une souveraineté d'élus et d'amis de la Sainte Vierge. Les pères n'en eurent jamais sérieusement la crainte, bien que l'ordre formel fût de la retrancher du monde, pour son salut. Ils étaient tranquilles, ils la connaissaient si douce, si humble, dans sa terreur d'être divine, dans son ignorance de la colossale machine qu'elle avait mise en branle, et dont l'exploitation l'aurait fait reculer d'épouvante si elle avait compris. Non, non, ce n'était plus à elle, ce pays de foule, de violence et de négoce. Elle y aurait trop souffert, dépaysée, étourdie, honteuse. Et lorsque des pèlerins qui s'y rendaient lui demandaient avec un sourire « Voulez-vous venir avec nous ?» Elle avait un léger frisson, puis elle se hâtait de répondre « Non, non, mais comme je le voudrais, si j'étais petit oiseau. » Sa rêverie seule fut ce petit oiseau voyageur, au vol rapide, aux ailes muettes, qui continuellement faisait son pèlerinage à la grotte. Elle, qui n'était point allée à Lourdes, ni pour la mort de son père, ni pour celle de sa mère, devait y vivre continuellement en songe. Elle aimait les siens, cependant. Elle se préoccupait d'assurer du travail à sa famille restée pauvre. Elle avait voulu recevoir son frère aîné, tombé à Nevers pour se plaindre, et qu'on laissait à la porte du couvent. Mais s'il la trouva lasse et résignée, elle ne le questionna même pas sur le nouveau Lourdes, comme si cette ville grandissante lui eût fait peur. L'année du couronnement de la Vierge, un prêtre qu'elle avait chargé de prier à son intention, devant la grotte, revint lui conter les inoubliables merveilles de la cérémonie, les 100 000 pèlerins accourus, les 35 évêques vêtus d'or, dans la basilique rayonnante. Elle frémissait, elle avait son léger frisson de désir et d'inquiétude. Et quand le prêtre s'écria « Oh, si vous aviez vu cette splendeur !» Elle répondit « Moi, j'étais bien mieux ici, à mon infirmerie, dans mon petit coin. » On lui avait volé sa gloire, son œuvre resplendissait dans un continuel hosanna, et elle ne goûtait de joie qu'au fond de l'oubli, de cette ombre du cloître où l'oubliaient les opulents fermiers de la grotte. Les solennités retentissantes n'étaient point les occasions de ces mystérieux voyages. Le petit oiseau de son âme ne volait tout seul là-bas, que les jours de solitude, aux heures paisibles, lorsque personne n'y pouvait troubler ses dévotions. C'était devant la sauvage grotte primitive qu'elle retournait s'agenouiller, parmi les buissons des glantiers, au temps où le gave n'était pas encore muré d'un quai monumental. Puis c'était la vieille ville qu'elle visitait au déclin du jour, dans la fraîcheur odorante des montagnes, la vieille église peinte et dorée à demi espagnole, où elle avait fait sa première communion, le vieil hospice d'une si tiède souffrance où elle s'était pendant 8 ans habituée à la retraite. Toute cette vieille cité pauvre et innocente, dont chaque pavé éveillait d'anciennes tendresses au fond de sa mémoire. Et Bernadette, ne poussait-elle jamais jusqu'à Bartrès le pèlerinage de ses rêves? Il faut croire que parfois, dans son fauteuil de malade, lorsqu'elle laissait glisser quelques livres pieux de ses mains lasses et qu'elle fermait les paupières, Bartrès apparaissait et éclairait la nuit de ses yeux. L'antique petite église romane, avec sa nef couleur du ciel, avec ses retables saignants, était là, au milieu des tombes de l'étroit cimetière. Ensuite, elle se retrouvait dans la maison des Lagus, dans la vaste pièce de gauche où il y avait du feu, où l'on contait l'hiver de si belles histoires pendant que la grosse horloge battait gravement l'heure. Ensuite, toute la campagne s'étendait, des prairies sans fin, des châtaigniers géants sous lesquels on était perdu, des plateaux déserts d'où l'on découvrait les montagnes lointaines, le pic du Midi, le pic de Viscos, légers et roses comme des songes, envolés en plein paradis des légendes. Ensuite, c'était sa jeunesse libre, galopant où il lui plaisait, au grand air. C'était ses 13 ans solitaires et rêveurs, promenant par la vaste nature leur joie de vivre. Et à cette heure, peut-être, ne se revoyait-elle pas, le long des ruisseaux, au travers des buissons d'aubépines, lâchés dans les hautes herbes par un chaud soleil de juin? Ne s'y revoyait-elle pas grandie avec un amoureux de son âge qu'elle aurait aimé, dans toute la simplicité et la tendresse de son cœur? Ah, redevenir jeune, être libre encore, inconnue, heureuse, et aimer de nouveau, aimer autrement. La vision passait, confuse, un mari qui l'adorait, des enfants qui poussaient gaiement autour d'elle, l'existence de tout le monde, les joies et les tristesses que ses parents avaient connues, que ses enfants auraient dû connaître à leur tour. Et tout s'effaçait peu à peu, et elle se retrouvait dans son fauteuil de douleur, emprisonnée entre 4 murs froids, n'ayant plus que le violent désir d'une mort prompte, puisqu'il n'y avait pas eu pour elle de place au pauvre bonheur commun de cette terre. Les maux de Bernadette augmentaient chaque année. C'était enfin la passion qui commençait, la passion de ce nouveau messie enfant venu pour le soulagement des misérables, chargé d'annoncer aux hommes la religion de divine justice, l'égalité devant les miracles, bafouant les lois de l'impassible nature. Elle ne se levait plus que pour se traîner de chaise en chaise pendant quelques jours. Et elle retombait, elle était forcée de reprendre le lit. Ses souffrances devenaient épouvantables. Son hérédité nerveuse, son asthme, aggravé par le cloître, avait dû dégénérer en phtisie. Elle toussait affreusement, des quintes qui déchiraient sa poitrine en feu, qui la laissait à demi morte. Pour comble de misère, une carie des os du genou droit s'était déclarée, un mal rongeur dont les élancements lui arrachaient les cris. Son pauvre corps, sous les continuels pansements, n'offrait plus qu'une plaie vive, sans cesse irritée par la chaleur du lit, ce continuel séjour entre les draps, dont le frottement finissait par lui user la peau. Tous la prenaient en pitié. Les témoins de son martyre disaient qu'on ne pouvait souffrir ni plus ni mieux. Elle essayait de l'eau de Lourdes, qui ne lui apportait aucun soulagement. Seigneur, roi tout-puissant, pourquoi donc la guérison des autres et pas la sienne? Pour sauver son âme. Mais alors, vous ne sauvez donc pas les âmes des autres? Quel choix inexplicable! Quelle nécessité absurde des tortures de ce pauvre être dans l'évolution éternelle des mondes! Elle sanglotait, elle répétait pour s'encourager. Le ciel est au bout, mais que le bout est long à venir! C'était toujours l'idée que la souffrance est le creuset, qu'il faut souffrir sur la terre pour triompher ailleurs, que souffrir est indispensable, enviable et béni. N'est-ce pas un blasphème, ô Seigneur? N'avez-vous fait ni la jeunesse ni la joie? Voulez-vous donc que vos créatures ne jouissent ni de votre soleil, ni de votre nature en fête, ni des tendresses humaines dont vous avez fleuri leur chair? Elle craignait la révolte qui l'enrageait parfois. Elle voulait aussi se raidir contre le mal dont criait son corps, et elle se crucifiait en pensée. Elle étendait ses bras en croix pour s'unir à Jésus, les membres contre ses membres, la bouche contre sa bouche, ruisselante de sang comme lui, abreuvée comme lui d'amertume. Jésus était mort en 3 heures, son agonie était encore plus longue, à elle qui renouvelait la rédemption par la souffrance, qui mourait aussi pour apporter la vie aux autres. Lorsque ses os craquaient d'angoisse, elle poussait des plaintes souvent, puis elle se les reprochait aussitôt. « Oh, que je souffre! Oh, que je souffre! Mais je suis si heureuse de souffrir !» Il n'est pas de parole plus effroyable, d'un pessimisme plus noir. « Heureuse de souffrir! Oh, Seigneur! Et pourquoi? Et dans quel but ignoré et imbécile? À quoi bon cette inutile cruauté, cette révoltante glorification de la souffrance, lorsqu'il ne monte de l'humanité entière qu'un désir éperdu de santé et de bonheur? » Au milieu de son affreux supplice, sœur Marie Bernard prononça ses vœux perpétuels, le 22 septembre 1878. Il y avait 20 ans que la Sainte Vierge lui était apparue, la visitant comme l'ange l'avait visitée elle-même, la choisissant comme elle-même avait été choisie, parmi les plus humbles et les plus candides, pour cacher en elle le secret du roi Jésus. C'était l'explication mystique de l'élection de la souffrance, la raison d'être de cette créature séparée si durement des autres, accablée de maux, devenue le pitoyable champ de toutes les afflictions humaines. Elle était le jardin fermé qui plaît au regard de l'époux. Il l'avait choisie, puis ensevelie dans la mort de sa vie cachée. Aussi, lorsque la misérable chancelait sous le poids de sa croix, ses compagnes lui disaient-elles « L'oubliez-vous donc, la Sainte Vierge vous a promis que vous seriez heureuse, non pas dans ce monde, mais dans l'autre. » Elle répondait, ranimée, en se frappant le front, « L'oublier, non, non, c'est là !» Elle ne retrouvait des forces que dans cette illusion d'un paradis de gloire, où elle entrerait, escortée par les séraphins, bienheureuse éternellement. Les 3 secrets personnels que la Sainte Vierge lui avait confiés, pour l'armée contre le mal, devaient être des promesses de beauté, de félicité, d'immortalité au ciel. Quelle monstrueuse duperie! S'il n'y avait eu que la nuit de la terre au-delà du tombeau, si la Sainte Vierge de son rêve ne s'était pas trouvée au rendez-vous, parmi les prodigieuses récompenses promises. Mais Bernadette n'avait pas un doute. Elle acceptait volontiers toutes les petites commissions que ses compagnes naïvement lui donnaient pour le ciel. « Sœur Marie Bernard, vous direz ceci, vous direz cela au bon Dieu. « Sœur Marie Bernard, vous embrasserez mon frère si vous le rencontrez au paradis. « Sœur Marie Bernard, vous me garderez une petite place près de vous pour quand je mourrai. » Et elle répondait à chacune, complaisante, « N'ayez aucune crainte, votre commission sera faite. » Toute puissante illusion, repos délicieux, force toujours rajeunie et consolatrice. Et ce fut l'agonie, ce fut la mort. Le vendredi 28 mars 1879, on crut qu'elle ne passerait pas la nuit. Elle avait un appétit désespéré de la tombe, pour ne plus souffrir, pour ressusciter au ciel. Aussi se refusait-elle obstinément à recevoir l'extrême onction, disant que 2 fois déjà l'extrême onction l'avait guérie. Elle voulait que Dieu enfin la laissât mourir, car c'était trop. Dieu n'aurait pas été sage en exigeant d'elle de la douleur encore. Pourtant, elle finit par consentir à être administrée, et son agonie en fut prolongée près de 3 semaines. Le prêtre qui l'assistait lui répétait souvent « Ma fille, il faut faire le sacrifice de sa vie !» Un jour, impatientée, elle lui répondit vivement « Mais, mon père, ce n'est pas un sacrifice !» Parole terrible aussi, celle-là. Dégoût de l'être, mépris furieux de l'existence, fin immédiate de l'humanité, si elle avait le pouvoir de se supprimer d'un geste. Il est vrai que la pauvre fille n'avait rien à regretter. On lui avait fait tout mettre en dehors de la vie, sa santé, sa joie, son amour, pour qu'elle la quittât comme on quitte un linge en lambeaux, usé et sali. Et elle avait raison, elle condamnait sa vie inutile, sa vie cruelle, lorsqu'elle disait « Ma passion ne finira qu'à ma mort et durera pour moi jusqu'à mon entrée dans l'éternité. » Et cette idée de sa passion la poursuivait, l'attachait plus étroitement sur la croix avec son divin maître. Elle s'était fait donner un grand crucifix, elle le pressait violemment sur sa triste poitrine de vierge, en criant qu'elle aurait voulu l'enfoncer dans sa gorge et qu'il y restât. Vers la fin, ses forces l'abandonnèrent, elle ne pouvait plus le tenir de ses mains tremblantes. « Qu'on l'attache à moi, qu'on le serre bien fort, pour que je le sente jusqu'à mon dernier souffle. » C'était le seul homme que sa virginité devait connaître, le seul baiser sanglant donné à sa maternité inutile, déviée et pervertie. Les religieuses prirent des cordes, les passèrent sous ses reins douloureux, en entourèrent ses misérables flancs inféconds, attachèrent le crucifix sur sa gorge si rudement qu'il y entra. Enfin, la mort eut pitié. Le lundi de Pâques, elle fut prise d'un grand frisson. Des hallucinations la troublaient, elle grelottait de peur, elle voyait le démon ricaner, rôder autour d'elle. « Va-t'en, va-t'en, Satan, ne me touche pas, ne m'emporte pas !» Elle racontait ensuite, dans son délire, que le diable avait voulu se jeter sur elle, qu'elle avait senti sa bouche lui souffler toutes les flammes de l'enfer. Le diable, dans cette vie si pure, dans cet homme sans péché, pourquoi donc, ô Seigneur ? Et encore un coup, pourquoi cette souffrance sans pardon, exaspérée jusqu'au bout ? Pourquoi cette fin de cauchemar, cette mort troublée d'imaginations affreuses, après une si belle vie de candeur, de pureté et d'innocence ? Ne pouvait-elle s'endormir sereine, dans la paix de son âme chaste ? Sans doute, tant qu'elle avait un souffle, il fallait lui laisser la haine et la peur de la vie, qui est le diable. C'était la vie qui la menaçait, c'était la vie qu'elle chassait, de même qu'elle avait nié la vie, en réservant à l'époux céleste sa virginité torturée, clouée sur la croix. Ce dogme de l'Immaculée Conception, que son rêve de fillette souffrante était venu consolider, souffletait la femme, épouse et mère. Décréter que la femme n'est digne d'un culte qu'à la condition d'être vierge, en imaginer une qui reste vierge en devenant mère, qui elle-même est née sans tache, n'est-ce pas la nature bafouée, la vie condamnée, la femme niée, jetée à la perversion, elle, qui n'est grande que fécondée, perpétuant la vie ? Va-t'en, va-t'en, Satan, laisse-moi mourir stérile ! Et elle chassait le soleil de la salle, et elle chassait l'air libre entrant par la fenêtre, l'air embaumé d'une odeur de fleurs, chargé des germes errants qui charrient l'amour à travers le vaste monde. Le mercredi de Pâques, le 16 avril, l'agonie dernière commença. On raconte que, le matin de ce jour, une compagne de Bernadette, une religieuse atteinte d'une maladie mortelle, couchée à l'infirmerie, dans un lit voisin, fut subitement guérie après avoir bu un verre d'eau de Lourdes. Mais elle, privilégiée, en avait bu inutilement. Dieu lui faisait enfin l'insigne faveur de combler ses vœux, en l'endormant du bon sommeil de la terre où l'on ne souffre plus. Elle demanda pardon à tout le monde. Sa passion était consommée. Elle avait, comme le Sauveur, les clous et la couronne d'épines, les membres flagellés, le flanc ouvert. Comme lui, elle leva les yeux au ciel, elle étendit les bras en croix, en jetant un grand cri. « Mon Dieu !» Et comme lui, vers 3 heures, elle dit « J'ai soif !» Elle trempa les lèvres dans le verre, elle pencha la tête et mourut.